essentiel, un amour de la femme. Que notre histoire fut belle, mais ce qui est beau est rarement éternel. On faisait l'amour pendant des heures. des heures et des heures. Des mêlées qu'on mixe en violence et douce. L'amour est une épreuve et nous en étions la preuve. Je fus la cause des plus grandes peurs et toi la muse des plus belles œuvres. Je le faisais pour nous, nique la célébrité. J'ai pris la route, j'ai chanté tout l'été. À mon retour, j'avais plus quitté. T'as changé dans les grades à notre humanité. Là, je parle pour toi, jeune négro dans le tech. Si t'as trouvé le bonheur avec une femme qui t'aime, prends soin d'elle et fais en sorte qu'elle reste. Parce que ça blesse. J'étais là pour elle, mon négro. J'étais là pour elle. Et quand j'étais un c'était pas à cause de mon boulot. La même, ça laisse des douleurs à la domaine. Elle m'a laissé seule face à moi-même. Je sais qu'on l'oubliait, je te jure. J'essaye avec les autres, mais ce n'est pas la même. Dans la magie des premiers jours, on s'était dit des mots d'amour. Comme Karine et Oxmo, Pacino. J'avoue que t'es pas toujours été réglo. J'ai joué, j'ai perdu comme au casino. Mignon, mais je l'aime toujours. Seul dans mon lit, j'attends son retour. Elle est sur mon bonnet, il t'annonce. J'fais ton noir et blanc comme un piano. Au fond, tu n'as pas ce qu'un mal, Pacino. J'étais là pour elle, mon ego. J'étais là pour elle. Les fois, c'était un sens, c'était à cause de mon boulot. C'était à cause de mon boulot. On est roulé juste ensemble, mais mettre l'honneur. Elle baisse sur moi avec un autre. Elle baisse sur moi avec un autre. Et ça, ça blesse, ça laisse des douleurs à la domaine. Elle m'a laissé seule face à moi-même. Je sais qu'on l'oubliait, je te jure. J'essaye avec des autres, mais ce n'est pas la même. Ça laisse des douleurs à la domaine. Elle m'a laissé seule face à moi-même. Je sais qu'on l'oubliait, je te jure. J'essaye avec des autres, mais ce n'est pas la même. À vous toutes, il est 13h passé de 30 minutes. Bienvenue. Si vous prenez l'écoute, voici donc le retour avec l'accordéon. Voilà donc aussi, j'espère donc passer une bonne matinée, que vous allez aussi continuer de passer une bonne après-midi en ma compagnie. Voilà donc, eh bien, sans plus tarder, on va continuer bien sûr l'accordéon et je vous laisse avec deux morceaux de valse. We'll be right back. Voilà donc du côté d'Alsace, je vous emmène du côté du Champagne, et puis juste après on ira retour du côté du boulevard Musette. c'est aussi ça. Voici prête, nous allons Viva España et juste après on écoutera Jérôme Richard avec le Machachi de Mexique. laisser Mexico, on fait un petit tour du côté de la Bavière avec tout simplement eh ben, Sébastien Perrin. Bonjour à Geneviève qui m'a gentiment demandé tout simplement deux morceaux. Voici le premier, c'est Jean-Désiré Bailly et puis le deuxième, Pierre-André. C'est beau une fleur dans la main d'un enfant, un reflet de bonheur qu'on admire en passant. Et ce n'est qu'une fleur, petite fleur des champs, mais elle touche le cœur. Scintille si pure parmi les astres de l'univers. peinture illumine nos cœurs en prière. L'espoir se lève aux cieux le soir, l'espoir vert d'infini paysage. Tes yeux d'enfant brillent dans le noir, les étoiles dessinent ton visage. Et je repense à tous ces moments, instants magiques pour des jeux d'enfants. Rires en famille autour d'un gâteau, ton petit chien doux comme un agneau. Oui, je repense à tous ces moments qui coulent sur mes joues maintenant. Toi qui nous as laissé en partant un dernier silence, un sourire d'enfant. Oui, tes yeux scintillent si purs parmi les astres de l'univers. Quand la nuit tombe sur la nature, illumine nos cœurs en prière. L'espoir se lève aux cieux le soir, l'espoir vert d'infini paysage. Tes yeux d'enfant brillent dans le noir, les étoiles dessinent ton visage. Voici donc un morceau d'accordéon et c'est la polka des Far West. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Allez les amis, tapez dans les mains, on va faire la fête entre nous. Vous êtes prêts? C'est parti! Tapez dans les mains, chantons un tue-tête, on va faire la fête entre nous. Tapez dans les mains, chantons un tue-tête, on va s'éclater. C'est agréable, voir un petit coup, c'est doux. Mais il ne faut pas rouler dessous la table. Voir un petit coup, c'est agréable. Voir un petit coup, c'est un petit coup, la la la, un petit coup, la la la, un

après le morceau, voilà, je vous laisse du côté du Madison. Tout simplement, venez danser le Madison. Thank you. à tous et à toutes. Merci de rester fidèles. Voilà donc après le passo, voici donc tout simplement Jérôme Robert avec la valse des amours. Encore un coup, chin, chin, encore un coup. Églou, églou, ciel, il y avait Pierrette, on était bien dessous la couette, avec les filles du comité des fêtes. Encore un coup, chin chin, encore un coup, encore un coup, chin chin, encore un coup, encore un coup, chin chin, encore un coup, et glou, encore un coup. On s'est trouvé dans les stafettes, il y avait Marcel, il y avait Pierrette, le commandant, les gendarmettes et les amis du comité des fêtes. Encore un coup, chin chin, encore un coup, encore un coup, chin chin, encore un coup, encore un coup, chin chin, encore un coup, et glou, encore un coup, encore un coup, chin chin, encore un coup, encore un coup, chin chin, encore un coup, encore un coup, chin chin, encore un coup, et glou, encore un coup. Du côté de l'Auvergne avec les vallées d'Auvergne et puis juste après Sylvie Pless.

La valse tyrolien, et puis juste après on écoutera le patrimoine, le d'autres morceaux avec la polka. L'accordéon que vous écoutez actuellement s'appelle tout simplement la bonne molita. s'éclater sur la bimbo létard. C'est la nouvelle Zumba qui va faire lever les bras. Tous ensemble, on va faire les essuie-glaces. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! S'appelle Pierre André avec la Pastorelle. Mmh. Et puis juste après, ils sont en duo avec tout simplement Virginie et Cyril avec Pour les montagnes.

Voici donc Aimable, son titre s'appelle le Domino, et puis juste après, la musette. Et bientôt sous les tonnelles comme de tourterelles lorsque la vie est belle. Bien cachés dans leur abri, ils apprennent les replis de leur anatomie. On est rempli d'éloquence. Et bien qu'on sous les tonnelles comme de tourterelles, parce que la vie est belle. On enseigne à nos amis pour bien vivre aujourd'hui notre philosophie. Elle est pas belle la vie. Thank you. Avec la fiesta, et puis juste après, on a fait un petit tour avec le pot-pourri vals. bien, on continue la valse avec tout simplement la valse Lila Blanc. Voici donc les fiancés d'Auvergne. Avec André Verschuren.

Voilà donc, eh bien, l'émission touche bientôt à sa fin. Voilà donc, il est bientôt 16h. Voilà donc, déjà, j'espère que vous avez passé une bonne après-midi avec les chansons de l'accordéon. Et puis, on va terminer, bien sûr, l'émission avec quelques chansons différentes, avec les chansons rap. Voilà. Ça va tout simplement, c'est très bien, c'est pour faire plaisir à Mathilde. Voilà donc les quelques chansons pour elle de rap, à comprendre c'est qu'elle. Voici donc qui ont terminé l'émission avec ces chansons-là. Arc-en-ciel. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous, à vous toutes. Days. Just wanna feel your kiss against my lips. And now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. It hurts me every time I see you. Realize how much I need you. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, her. What about all the times you would pick me up and we'd just drive around until we found a place to stay and waste a day away? We'd do nothing, but it was okay with me. They say it's not good to spend all my time thinking about you, it's too late at night. But I can't stop once I start, it's like an avalanche. Thoughts coming and I just wanna hold your hand, hold your breath. I'm going under, not coming up till this night is over. Till this night is over. Her, like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, I'm not afraid to. d'amour comme Sandy et Danny Zuko. J'ai frité mon grain de rire rempli. J'allume mon joint, j'ai mis sort de mon route. En Mamadou du château sur le t-shirt. Normal que les billets pleuvent, je suis dans le strip. Sentir ton victoire secrète dans ton string calvi, tout ton jean Levi's. Ma vie est sombre, tu sais que le négro vient du fond. Entre chaque transaction, j'écris des chansons. Contre moi, mes ennemis conspirent, ton corps m'inspire. Mais ta valise, on se tire. Je ne veux pas de rempâte devant les mamans dans le frère. Bébé, moi, nous, à Las Vegas. Qu'est-ce que ça changera? Pas de bitch, pas de bitch, c'est une meuf. J'ai galère à garer le merco. Dans le club, j'attire toutes les michetos. La monnaie efface la mocheté. Mais des coups, tu pourras jamais acheter. Je préfère la trahison, j'aime pas la lâcheté. J'aime quand elle prend ça pour un litchi. J'aime pas quand je la baisse et elle dit chi. Dans le Tesla, je me fais ii sur la banquette. Dans le bad B, j'ai frit direct sur la plaquette. C'est un plan A, un plan B ou une PZ. D'aller mon déo, il est pas sage. Pas de bitch, c'est une info. J'ai galère à garer le merco. Dans le club, j'attire toutes les michetos. La monnaie efface la moche. Je la baisse, quand je la baisse, quand je la baisse, la baisse, la baisse, la baisse. Elle me dit sur la télé, mais là, j'ai plus d'espèces. Elle me dit qu'elle m'aime pour ce que je fais, pas juste pour ma caisse. Elle me dit, faut que je tape ses seufs, jamais dans la cesse. Elle voudrait que je sois dans sa foule, plus jamais dans la tête. Dans le bloc, sa mère, j'ai dû que créer des galettes. Je vois un gosse péter une canette. Qui t'a obligé si je me déplace à animer ta fête. Qui t'a coloré en direct des galeries Lafayette. Dans le bloc sa mère. Sa mère. Je passe tout l'hiver. Boîte automatique, donc je tartine, hey, hey. Elle a pas de fric, donc elle tapine, hey. Il a pas de soie, donc il jardine, hey. 300 balles dans une paire de Jordan, hey. Et je danse avec mon cœur, t'es pas capable de le faire. Et je danse avec mon fer et tu capes de terre. Et je danse avec ma stupe, on dirait ta super. Dans Tesla, ah, A, je me fais Didi sur la banquette. Dans le bas de B, j'ai frit direct sur la plaquette. J'ai un plan A, un plan B ou une pesette. J'évite les Skoda, les Mondeo et les Passat. Des histoires, des blabla, j'ai pas la tête à ça. Mais pour toi, je pourrais assumer. On va au resto, je t'emmène à mes remparts. Avec du nord, y'a pas de ciel. Elle est amoureuse et tu sais le bien. C'est une fille bien, comment faut la marquer. Elle s'en fout des sous, elle veut ton bien. Regarde souriant tout au long de la soirée. Tu sais plus comment faire, y'a le barrio. À tes côtés, à ton créneau. Demain, on ira loin, le Mario. À la playa, loin du quartier. Regarde-moi dans les yeux et dis-le-moi en face. Tous les deux on ira dans les cieux. Les erreurs on efface. Je suis pas ton copine, je te laisserai pas trois chances. Dis à tes copines qu'elles te laissent qu'on avance. Là t'es bien coquine, c'est ça mon attirance. Que tu penses, je le pense, y'a pas de coïncidence. Je suis au studio, tu connais, je suis pas là. Tu repères ce qu'il y a dans mon cas là. Ça me dérange, mais en vrai c'est pas grave. Écoute pas tes potes, j'y raconte de la guerre. On appelle ça de la jalousie. On sort dehors, on va se balader. On va régler tous nos soucis. Elle est amoureuse et tu sais bien. C'est une vie bien, crois-moi, faut la marquer. Elle s'en fout des sous, elle veut ton bien. Faut qu'un sourire tout au long de la soirée. Tu sais plus comment faire, y'a ton Rio. À tes côtés, à ton créneau. Sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr.